بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 71 71e درس كي لو داني درس كي توش لي شوز كي توش بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دون كتاب السيره. يقول حفظه الله تعالى: من هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجره؟ كي سولي كي اكومباني بروفيت صلى الله عليه وسلم دون سا هجره. اي سا سي كونو سي ابو بكر الصديق رضي الله عنه. كما في الحديث دو عائشه لوسكو النبي صلى الله عليه وسلم سي روندي اوبري دو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم après avoir parlé avec lui: اشعرت انه قد اذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه. Qui lui a dit: il m'a été n'as-tu pas ressenti qu'il m'a été autorisé de partir? C'est-à-dire que là, le Nabi sallam attendait un ordre d'Allah azza wa jalla pour partir pour faire la hijra. Il avait déjà envoyé ses sahaba à Medina et d'autres qui étaient encore à Habasha, et lui il est parti par la suite. Donc là il a dit à Abu Bakr Siddiq qu'il a la permission divine lui est parvenue. Et Abu Bakr Siddiq lui a dit que qu'il l'accompagne, il a dit: tu m'accompagnes. Naam. ثم قال في السؤال الثالث وأربعين بعد أربعمية 443e question: من هو الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وغارت أقدام فرسه في الأرض؟ Donc il dit: qui est celui qui a pourchassé le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il est parti faire la hijra vers la Médina et dont les pattes de son cheval ont été englouties dans la terre? Il s'agit de Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik. Comme dans le hadith de Al-Bara ibn Azib. قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة تبعه سراقة ابن مالك ابن جوعشن أو جوعشم فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه قال ادعو الله لي ولا أدرك فدعا له. متفق عليه. كي لدي لسك النبي صلى الله عليه وسلم est parti vers la Médina, il a été poursuivi par Suraqa ibn Malik et qui les a rattrapés pour les empêcher de partir. Et lorsqu'il était à proximité d'eux, le Nabi Salem a invoqué Allah Azza wa Jalla contre lui. Et de là, les pattes de son cheval ont été englouties dans le sol. Et lui avec, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus bouger. Il était bloqué dans le sol. Et de là, il a dit: invoque Allah pour moi et je ne te nuirai en rien. Et là, le Nabi Salem a invoqué pour qu'il soit libéré du sol. Et là, il est parti. Et ça également, c'est parmi ce qu'on disait la dernière fois, les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال في السؤال الرابع والأربعين بعد أربعمية 444e question: ما اسم الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الحجرة؟ كاي لا غوت دون ليكيل سون كاشي البروفيت صلى الله عليه وسلم وسون كومبانيون كي تاع أبو بكر دون الهجرة سادير افون دو بارتير دو ميكا المدينة ديريكتومون سون كاشي كار لي جون دو كوريش لو بورسويفي اي فو لاتراپي دونك سي كاشي دون اون غوت سي غوت اسابيل ثور اسابيل ثور كوم دون حديث عائشة اي دايور سي دون لو حديث دون ليكيل قال أبو بكر الصديق يا رسول الله قال رأيت أقدام قريش فوق رؤوسنا ولو أبصر أحدنا تحت قدميه لا رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ما ظنك بثالث والله ثالثهما أو باثنين الله ثالثهما. كي لدي أبو بكر الصديق لدي سبحان الله ils étaient au-dessus de nous dans la grotte et si l'un d'entre eux avait seulement regardé en dessous de ses pieds, ils nous auraient vus aussitôt. C'est-à-dire qu'ils étaient cachés, mais c'était à découvert en même temps. Et Allah les a préservés. Et le Nabi Sassan lui a dit: oh Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? C'est-à-dire que Allah est avec nous. Donc si Allah est avec toi, tu n'as rien à craindre. Quant à l'histoire qu'il y aurait une colombe qui soit venue, qui aurait fait un nid, ou qu'une araignée aurait fait une toile, ce qui aurait fait que les gens de Quraysh, lorsqu'ils ont vu cela, n'ont pas voulu regarder, cette histoire-là n'est pas authentique, ne tient en rien. D'accord, elle ne tient en rien. Ce qu'on sait, c'est ce hadith authentique-là, qui est Moutafakon Alayhi, que les Quraysh ne les ont pas regardés, alors qu'ils auraient pu les voir. Souma Qalef Issouel, Khamis Warbaïn, Bad Arbaamiya. 45e question. Masmouna Qatan Nabiyi, Allati Hajra Alayha. Quel est le nom de la chamelle sur laquelle le Prophète Sallam a fait la Hijra? Et elle s'appelle, Tamam, Al-Koswa, ou Al-Koswa. Comme dans le hadith d'Ibn Omar, قال رضي الله عنهما أرضف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصوى. Que le Nabi sallam a fait monter derrière lui Oussama sur Al-Qaswa, qui est le nom de sa chamelle. Dans une autre version, يقول في حديث أنس وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها الغضباء. Donc si tu vois الغضباء ou la قصوى, c'est la même chose. D'accord ? C'est ce que dit le Hafiz ibn Hajar dans l'explication, car l'imam Bukhari a mis les deux hadiths dans le même bab. Donc pour dire que cette chamelle, elle s'appelle Qaswa également, et Ghadba. C'était le même animal. ثم قال في السؤال. On passe des questions, les questions qu'on passe, car comme on dit, elles sont moins importantes que d'autres, et pour ne pas trop allonger le ders non plus. Et aussi, comme ce sont beaucoup d'effets basés sur l'histoire, des fois on ne sait pas de dalil qui va avec, car c'est une chose qui est historiquement connue. ثم قال في السؤال الثامن وأربعين بعد أربعمائة 448e question. ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ Quel est le masjid qui était fondé sur la taqwa, la piété depuis le premier jour? Il s'agit du masjid Quba. Et également le masjid al-Nabawi, qui est al-Medina. Par rapport au masjid Quba, la preuve c'est la porte dans le Qulullah Azza wa Jal. La taqum fihi abada. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Qu'il a dit, ne t'y tiens jamais debout, c'est-à-dire dans le masjid Ad-Darar, qui était construit par les munafiqin. Il dit, un masjid qui était bâti sur la taqwa depuis le premier jour est plus endroit que tu t'y tiennes, dans lequel se trouvent des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Surat Tawbah, repentir verset 108. Et dans le hadith d'Abu Huraira, qu'il a dit que ce verset, lorsque Allah dit qu'il aime les hommes qui se purifient, d'accord ? Il dit que cela est descendu sur les gens de Quba. Sur les gens de Quba. Car eux, c'est des gens qui se purifient, qui faisaient l'estinjé, ce qu'on appelle le lavage intime, c'est-à-dire le fait de laver les parties par lesquelles les parties on a fait les besoins. Ils se purifient avec de l'eau. Qala fa nazalat fihim adil aya. Donc ce verset est descendu sur eux. Que Allah Azza wa Jal a fait leur éloge du fait qu'ils se purifient avec l'eau lorsqu'ils se nettoyaient les parties après avoir fait leurs besoins. Et également, dans une autre explication dans un autre hadith, il a été dit, lorsqu'il fut interrogé sur le masjid qui était bâti sur la taqwa, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, huwa masjidikum hadha, c'est votre masjid celui-ci, en parlant du masjid d'Al-Medina, Rawahu Muslim. Donc il n'a pas d'interdiction, ce qui est de plusieurs raisons pour un même verset. D'accord ? Il n'y a pas de contradiction. Ce masjid est concerné par le verset. Et celui-là également. Et des fois, un verset a plusieurs causes de descente et de révélation. ثم قال في السؤال التاسع وأربعين بعد أربعمية 449e question. ما هو المسجد الذي كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت راكبا وماشيا؟ Quel est le masjid que le prophète صلى الله عليه وسلم visitait tous les samedis, qu'il soit en monture ou à pied? Et il s'agit également du masjid Quba. Et le dalil, c'est le hadith d'Ibn Omar. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسجد قباء كل سبت وماشيا وراكبا. Qu'il est dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم visitait ce masjid là tous les samedis en marchant ou à monture, rapporté par Al-Bukhari. Et dernière question de ce bab qui est السؤال الثاني والخمسين بعد 400 452e question. من هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ Qui est celui qui a empoisonné le prophète صلى الله عليه وسلم qui l'a ensorcelé à fond. Et c'est Labib ou Labid Afwan ibn al-Arsam al-Yahoudi. Labid ibn al-Arsam qui était un juif. Et là, ça ressemble bien à ce qu'Allah Azza wa Jal. La tajidanna ashadal nas adawatan lazina amanu al-Yahoud ou lazina ashraku. Tu verras que les gens qui sont le plus haineux envers les croyants sont les juifs et les mouchlikoun. Ce sont les juifs qui ont fait tenter de faire. Et les mouchlikoun de Quraysh qui ont tenté le plus de nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le hadith de Aisha, qalat سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني رزيق يقال له لبيد بن الأعصم qui a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a été empoisonné par un يهود parmi les يهود بن رزيق qui s'appelle لبيد بن الأعصم le hadith est متفق عليه il a un tambih le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم était empoisonné c'est-à-dire il s'imaginait voir des choses qu'il ne faisait pas d'accord et cependant cet empoisonnement n'a eu aucun effet sur sa véracité par rapport à la révélation. Parce que les gens disent, s'il était ensorcelé, qu'il ne sait pas ce qu'il dit, alors qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'a pas inventé un verset, a'udzubillah, ou un hadith, ou autre que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible dans le fait de retransmettre la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Il ne peut se tromper dans ce que Allah azza wa jal lui dit. كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أو ميساجي retransmet ce qui t'a été donné de ton Seigneur. Donc il est infaillible. Ce qui touche à la révélation, Allah Azza wa Jalla le préserve de toute chose. D'accord? De toute chose. Par rapport à ça. Naam. Fadal Yahadna Lyum. Obedez le code Naktafi. Walhamdulillah bil alamin.